Bonjour auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, voici l'essentiel de l'actualité de ce 13 mai. 13 mai 2015, 13 mai 2018, 3 ans, jour pour jour après la tentative de coup d'État dans ce journal, vous aurez la réaction du parti Sawanya Frodebu. Après l'attaque à Ruhagarika en commune Buganda de la province Chibitoke ayant causé la mort de 26 personnes, l'armée burundaise parle d'un relâchement des éléments militaires de la position sur place. Dans ce journal, vous aurez la réaction de la Commission nationale indépendante pour les droits de l'homme, CNIDH, qui condamne cette attaque. L'Association pour l'enfance, CGPAE, réagira également sur la mort de 11 enfants sur les 26. Les détails, c'est dans ce journal, mis en onde par Jean de Dunde Isenga, la présentation Mireille Kanyang et bonjour et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Parlons sécurité pour débuter ce journal. Ce 13 mai, 3 ans viennent de s'écouler après la tentative de coup d'État. C'était le 13 mai 2015. En ce moment, la radio et télévision REMA s'est vue tirer dessus. Le lendemain, les radios et télévisions, Radio Publique Africaine, Bonesha FM, Radio et Télévision Renaissance et Isanganiro tour à tour été fusillés. Certains des journalistes ont fui le pays. Mais alors, depuis le mois de mars 2016, les radios Isanganiro et REMA FM sont fonctionnelles. Parlant toujours de ce renversement, de cette tentative de renversement des institutions au niveau du parti Sawanya Frodebu, on s'insurge contre l'idée d'accéder au pouvoir par la voie du coup d'État. Le secrétaire général de ce parti, Pierre Claver Nahimana, indique que son parti privilégie le dialogue pour trouver des solutions aux problèmes qui hantent le pays. Suivez plutôt Pierre Claver Nahimana, joint au téléphone par Évariste Nzikobanyang. À cette date du 13 mai 2018, effectivement, on se souvient du moment où il y a eu en 2015 un essai de coup d'État marqué bien entendu. Alors, à ce que je passe la fraude debout, dans cet été fondamental, et aussi comme nous reconnaissons le bien fondé de l'accord d'Arusha que nous soutenons, que nous avons négocié, il est bien indiqué que les coups d'État doivent être bannis au Burundi. Toutes ces pratiques de passer par la force pour parvenir au pouvoir, passer par la violence pour parvenir au pouvoir, ou alors se maintenir au pouvoir par la force, par la violence, ce sont des voies qui sont bannies, que nous pouvons en aucun cas soutenir. Les seules voies que nous soutenons au niveau du Frodebu, c'est la voie du dialogue. Nous savons très bien que la voie du dialogue peut mener à des solutions qui sont durables et qui sont convenables pour toutes les parties. Lorsqu'on regarde partout dans le monde, ce qui se passe dans le monde entier, même dans des pays qui sont très avancés, on constate que ce sont ces voies-là qui sont mises en avant pour parvenir à des solutions qui sont satisfaisantes et qui sont durables et qui sont constructrices de toutes les nations. Voilà donc les voies que nous soutenons, sinon les voies de la force, les voies de la violence, ne pouvons en aucun cas soutenir des voies pareilles. Pierre Claver Nahimana, secrétaire général du parti Sawanya Frodebu. Et ce parti profite de l'occasion pour condamner les massacres qui ont coûté la vie à une vingtaine de personnes en province de Chibitoke, dans la nuit du 11 au 12 du mois en cours. Ce parti présente également ses condoléances aux familles éprouvées. Isanganiro, la radio de l'avenir. Revenons sur cette attaque que le parti Sawanya Fodebou vient de condamner, le massacre qui s'est déroulé à Ruhagarika, en commune Buganda de la province Chibitoke. Eh bien, l'armée burundaise affirme que les massacres commis sur la colline Ruhagarika de la commune Buganda dans cette province de Chibitoke dans la nuit de vendredi à samedi, où une vingtaine de personnes a été assassinée, est dû au relâchement des éléments militaires de la position sur place. Le colonel Floribert Abiyereke, porte-parole de la Force de défense nationale, indique que ces militaires ont été relevés et dément les informations selon lesquelles le chef de cette position serait arrêté. Plutôt, dit colonel Biyereke, il a été relevé avec ses militaires sous son commandement. Suivez-le, il répond aux questions de Placide Niomungere. Aujourd'hui, les enquêtes ont commencé, mais elles n'ont pas encore abouti à des éléments concluants. On apprend également que sur cette colline, il y avait la présence d'une position et la population s'indigne qu'il n'y a pas eu d'intervention. Pourquoi? L'intervention a eu lieu, selon les informations que nous avons reçues, mais elle serait arrivée peut-être un peu tard. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas d'opposition. La position existe bel et bien sur la place. La sécurité reste renforcée. Il y a des informations faisant état de l'arrestation d'un chef d'opposition militaire qui était basé sur la colline sur laquelle est perpétrée l'attaque. L'information est erronée. L'intéressé n'a pas été arrêté comme cela est propagé sur les réseaux sociaux. Ce qui est arrivé, c'est qu'il a été relevé ainsi que les hommes qu'il avait sous son commandement. Il est actuellement au camp de Chibitoke où il exerce actuellement ses activités. Pour le moment, ce qui est à présent, des militaires, est-ce que la sécurité est renforcée? Absolument, je vous ai dit qu'il a été relevé. C'est-à-dire qu'il y a d'autres éléments qui sont venus reprendre la place qui était occupée par ceux qui ont été relevés. Ce qui est arrivé peut-être par relâchement, mais nous avons pris des mesures pour effectivement renforcer la sécurité. Le colonel Floribert Abiyereke, porte-parole de la Force de défense nationale, qui répondait aux questions de notre confrère Placide Niomungere. Je vous l'annonçais en titre. L'Organisation pour la défense des droits de l'enfant, SOGEPAE, réagit également après la mort de 11 enfants sur les 26. Suivez David Ninganza de l'organisation SOGEPAE. C'est dommage qu'il y ait des gens qui meurent pour des raisons vraiment ignobles. C'est condamnable. Quelqu'un qui a réclamé, il ne doit pas tuer, il ne doit pas vraiment organiser des massacres. Il est contre lui-même, il est contre la nation, il est contre le monde entier. Je pense que ces personnes n'ont pas vraiment à dire, n'ont pas à réclamer. Imaginez-vous planifier des massacres qui emportent la vie des enfants qui n'entrent jamais en conflit. Les enfants qui ne réclament rien, sauf qu'ils réclament le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation. Donc quelqu'un qui ose planifier les massacres, vous comprenez que c'est quelqu'un qui n'a pas de programme, qui n'a pas un objectif, qui n'a pas à imposer à une nation. En cas de conflit, l'enfant reste l'enfant. Comme je l'ai dit, l'enfant n'entre jamais en conflit. L'enfant nécessite une protection spéciale contre toute forme de violence, que ce soit les violences émanant de ses propres parents, des politiciens, émanant des partis en conflit. L'enfant nécessite chaque fois une protection spéciale. David Ninganza de l'organisation SOGEPAE. Autre condamnation de cette attaque, c'est au niveau de la Commission nationale indépendante pour les droits de l'homme, CNIDH. Suivez Jean-Baptiste Baribonekeza, président de la CNIDH. Il vient de s'exprimer lors d'une conférence de presse. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme condamne sans réserve le massacre de 26 personnes à Ruhagarika. Les enquêtes préliminaires indique que ce crime odieux et lâche a été commis par un groupe d'individus armés venus de la République démocratique du Congo et qui y serait retourné juste après le forfait. La CNDH demande au gouvernement de mener rapidement des enquêtes sérieuses sur ce massacre des innocents afin que les auteurs et leurs complices soient identifiés et traduits devant la justice. La CNDH demande aux forces de défense et de sécurité de renforcer les mesures de sécurité collective de la population burundaise et d'utiliser tous les moyens possibles permettant de prévenir, anticiper et répondre efficacement à ce genre d'attaque en recourant au maximum possible à la coopération sous-régionale et, si nécessaire, à la doctrine de la défense préventive. Jean-Baptiste Baribonekeza, président de la CNIDH, dont les propos ont été recueillis par Alida Ndaikez. Captez Isanganilo, écoutez la différence. À 13h04 dans le studio de la radio Isanganilo, poursuivons ce journal par la page Salubrité. Des ordures s'observent à l'intérieur de l'ancien marché central. Au centre-ville de Bujumbura, des gens qui exercent leurs activités commerciales autour de cet ancien marché disent qu'ils n'ont pas encore vu de gens qui viennent pour dégager ces ordures, nous rapporte Eric Ndouaye, stagiaire à notre station. Arrivé à l'ancien marché central de Bujumbura, à la place où se vendaient les fruits et légumes, communément appelés le grenier, s'observent des tables abandonnées, des sachets usés, ainsi que des herbes. Quittant cette place vers l'endroit communément appelé Kumapine, il y a des gens qui exercent de différentes activités commerciales. À côté d'eux s'observent des immondices. Même s'ils n'ont pas voulu s'exprimer sur notre micro, certains gens disent qu'ils sont habitués à cette situation. Étant sur le parking des véhicules vers le sud de la capitale, en plaquant l'œil au milieu de l'ancien marché, on voit des herbes, des arbres ainsi que des restes des toitures. Devant le magasin Plaza à l'ouest de cet ancien marché, on dirait qu'on est à l'intérieur du pays car il y a des grands arbres. Certaines gens s'y abritent lors du soleil accablant. À côté de ces arbres, il y a des immondices entourés par des tôles. Certains disent qu'ils n'ont jamais vu des gens venir dégager ces ordures. Signalons que 4 parmi les marchés réhabilités débuteront leurs activités le 30 mai 2018. Il s'agit de Kinama, Djabé, Moussaga et Ruziba. Voilà, vous voudrez bien nous excuser des imperfections contenues dans cet élément. Et voilà, 13h06 plus tôt dans les studios de la radio Isanganilo. Ainsi s'achève ce journal, mais je vous en rappelle l'essentiel. Ce 13 mai 2015, 3 ans viennent de s'écouler jour pour jour après la tentative de coup d'État. Dans ce journal, vous avez suivi la réaction du parti Sahwanya Frodebu qui s'insurge contre l'idée d'accéder au pouvoir par la voie de coup d'État et au parti au pouvoir. Le CNDD-FDD y promet de s'exprimer ultérieurement. Et après l'attaque à Ruhagarika en commune Buganda de la province Chibitoke ayant causé la mort de 26 personnes, l'armée burundaise parle d'un relâchement des éléments militaires de la position sur place. Une attaque condamnée par l'Organisation pour l'Enfance et ce GPAE, une attaque également condamnée par la Commission nationale indépendante pour les droits de l'homme, CNDH, que vous avez suivi dans ce journal. Merci donc à vous tous qui avez suivi avec attention ce journal. Merci également à Jean-Dodu Ndeisenga qui a assuré la mise en onde, à l'équipe de la rédaction de ce dimanche qui m'a aidé à le réaliser. Je dis merci. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.